Choi Eun-bok, présidente de l'Association générale des Coréens en Chine, en visitant la patrie à l'occasion de la Journée du Soleil, a eu une interview le 16 avril avec l'Agence télégraphique centrale de Corée. Elle a dit « La patrie qui s'était éclipsée de la même monde et où retentissait le chant adidant sur le chagrin de la nation faible et colonisée est devenue aujourd'hui un paradis authentique du peuple, puissance socialiste souveraine, indépendante et autodéfensive, grâce au généralissime Kim Il-sung, soleil éternel de la nation. Grâce à son amour pour la patrie, la nation et le peuple, notre nation a accompli les prodiges inouïs et elle est devenue une grande nation puissante et prospère qui brille avec le nom auguste du grand homme sans égal. Et grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un, nouveau grand homme sans pareil, la dignité et le prestige de la nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il brillent au niveau suprême. »